Escúchame, je sais que j'ai eu tort, mais t'abuses. Tu me prends la tête, même quand je dors, ça m'amuse pas, on est toujours en désaccord. Tu vois le mal partout, alors que ce n'était qu'un pote. Pas de confiance, trop de méfiance. Tu comprends les choses à l'envers, tu veux que ça marche dans le bon sens. Et t'as tout faux, donne un uniforme, bébé. T'es trop dur, j'ai l'impression d'être à l'armée, bébé. Tu sais que t'en fais trop, tu me donnes toujours le mauvais rôle. Et pour un rien, t'en fais des tonnes. Et je te le dis, t'es parano, papa parano. T'en fais trop, tu me donnes toujours le mauvais rôle. Et pour un rien, t'en fais des tonnes. Je te le dis, t'es parano, papa parano. T'en fais trop, toujours trop. Je te connais par cœur. Si ça avait été toi, tu m'aurais dit c'est rien mon cœur. Oublie. Vous les hommes, vous êtes parano. Faut toujours qu'on soit parfaite pour pouvoir nous passer l'anneau. Et puis quoi, j'ai pas signé pour ça. Moi je suis détendu, je suis cool. Faut pas dans tous mes états. Cinéma, trop de cinéma. Arrête ton jeu d'acteur et viens te blottir auprès tu de moi. Tu sais que t'en fais trop. Tu me donnes toujours le mauvais.